Alors, ça me fait effectivement très plaisir de venir parler ici de Barbarella, qui est vraiment une figure mythique de la bande dessinée, qui soulève toute une série de questions essentielles que je vais essayer d'évoquer aujourd'hui. L'idée qui a guidé cette intervention, c'était à travers l'histoire de Barbarella, son histoire éditoriale, de retracer une série de transformations essentielles du champ de la bande dessinée franco-belge, avec l'apparition de ce qu'on appelle souvent de bande dessinée pour adultes, qui est une expression assez problématique à plusieurs niveaux, et je reviendrai sur les problèmes que pose cette expression, et d'où le titre hein, que j'ai donné, Révolution sexuelle, révolution éditoriale, puisque voilà, la perception classique, c'est de voir en Barbarella celle par laquelle émerge enfin une bande dessinée qui prend en compte la sexualité, l'érotisme. Mais pour moi, la véritable révolution que représente Barbarella serait bien davantage une révolution éditoriale qu'une révolution sexuelle. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, il faut dire deux mots du fait que Barbarella est une figure mythique de la bande dessinée, ce qui est à la fois la raison pour laquelle j'interviens dessus et l'un des problèmes que ça pose. Figure mythique, puisque quand on parcourt les ouvrages d'histoire de la bande dessinée, si on parcourt la vulgate de ce qu'est cette histoire du 9e art, on retrouve cette affirmation. Alors ici, je vous en ai mis un exemple, mais on a à peu près la même idée formulée de différentes manières dans d'autres ouvrages. Donc Barbarella est un symbole, elle est la première héroïne de ce qu'il est convenu d'appeler aujourd'hui la bande dessinée pour adultes. Alors, ça pose évidemment un problème majeur, cette histoire-là, c'est que la bande dessinée pour adultes a toujours existé. La bande dessinée a toujours été pour adultes, depuis son invention par Töpffer. On a toujours des formes de lecture pour adultes, plus ou moins clandestines, plus ou moins assumées. Et ce qui va changer au fond dans les années 60 avec Barbarella, c'est le regard porté sur les adultes qui lisent de la bande dessinée, qui change après un gros demi-siècle de perception extrêmement négative. Alors, le mythe de Barbarella, le premier aspect, c'est ça. C'est donc le fait que Barbarella ferait advenir la bande dessinée adulte. Il n'en est rien. Je vais pas vous montrer 150 exemples de bande dessinée pour adultes précédant les années 60. Mais voilà, ils sont très nombreux. Le deuxième aspect du mythe, c'est que Barbarella, finalement, ce qui la ferait advenir, c'est un éditeur. Cet éditeur, c'est Erik Losfeld. Vous l'avez ici à gauche dans son autobiographie. Alors, je vous donne un exemple de cette perception hein, de Lostwell comme celui qui accouche finalement de Barbarella. C'est Henri Philippini, dans son encyclopédie de la BD érotique, autre nom important de cette espèce d'histoire vulgarisée du 9e art. En 1964, écrit-il, Erik Losfeld édite le premier album de bande dessinée destiné à un public exclusivement adulte. Son titre, Barbarella, la censure réagit aussitôt et interdit cette œuvre que ne sauraient lire les enfants. On a la même perception, un regard assez proche sous la plume de Thierry Grunstein, à l'époque où il était directeur du musée de la bande dessinée d'Angoulême. Et donc dans cet ouvrage Astérix, Barbarella et compagnie, qui est le catalogue scientifique du musée, il écrit ceci: si la bande dessinée pour adultes réussit l'essentiel de sa percée dans la presse, un éditeur de livres joue un rôle qu'on ne saurait passer sous silence. Souvent victime de la censure, Erik Losfeld est entre autres l'éditeur des surréalistes et de romans érotiques. C'est lui qui publie en 1964 le premier recueil des aventures de Barbarella, aussitôt interdit. Alors, cette affirmation, elle pose un problème, c'est que, je vais y revenir juste après, cette édition par Losfeld des aventures de Barbarella, ça n'est qu'en fait une deuxième version. Et donc cet accent mis sur l'importance de Losfeld, il repose sur, évidemment, sur une figure qui est extrêmement séduisante, la figure de Losfeld, qui est éditeur de Breton, c'est lui qui a publié notamment sa revue La Brèche, c'est l'éditeur de Vian, de Ionesco, c'est lui qui a fait redécouvrir Sade. Bref, c'est un éditeur qui, outre le parfum de soufre qui s'attache au fait qu'il a publié également Emmanuel, jouit d'une légitimité littéraire très forte. Et non seulement cette réécriture de l'histoire au profit d'Eric Losfeld repose sur cette légitimité-là, mais elle repose également sur le fait que, pour dire les choses un peu gentiment, Eric Losfeld, on va dire qu'en matière d'exagération, il saurait en remontrer à plus d'un Marseillais. C'est-à-dire que dans son autobiographie que je vous montrais à l'instant, Endetté comme une mule, il écrit ceci. Certes, Barbarella, c'est dessiné par Jean-Claude Forest, mais j'en suis vraiment le père incestueux, sinon l'amant. De ce livre, je suis le principal responsable. Alors, quelque chose d'assez extraordinaire, hein, de se dire que finalement, le scénariste et dessinateur d'une œuvre ne serait qu'un vulgaire exécutant de quelqu'un qui édite un livre après coup. C'est-à-dire que déjà, quand c'est un travail de commande, on pourrait discuter un petit peu cette affirmation. Voilà. Donc, bon. Pour dire les choses autrement, hein, là on est dans la mythomanie complète. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette réécriture de l'histoire par Losfeld a été reprise et est aujourd'hui intégrée. Alors, je ne vais pas vous dire que les travaux que j'ai cités sont aussi caricaturaux hein, que cette affirmation de Losfeld, mais malgré tout, ce qu'on retrouve à chaque fois sous la plume d'auteurs tout à fait compétents, c'est que finalement la version initiale, celle qui est parue dans la presse, est assez négligeable, est assez secondaire. Du coup, moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est la manière dont, finalement, on a réécrit l'histoire de la bande dessinée à l'aune de son passage par le livre, à l'aune de sa sacralisation par un éditeur, et pas n'importe lequel, hein, Eric Losfeld, encore une fois, l'éditeur de Vian de Ionesco, et qu'on a, du coup, une légitimation de la bande dessinée qui a guidé cette réécriture de l'histoire et qui se raccroche à cette légitimité littéraire de Losfeld pour repousser dans des enfers culturels, dans des enfers paralittéraires, cette origine assez indigne de Barbarella. Je vous montrerai des exemples, vous comprendrez tout de suite de quoi je parle quand je parle d'indignité. Moi, je pense qu'au contraire, il est absolument essentiel de réinscrire la création de Barbarella dans son contexte de création, dans son contexte éditorial, et de revenir à une jeunesse dans la presse, c'est quelque chose qui finalement est un problème pour quasiment toute l'histoire du 9e art. C'est-à-dire, alors on le voit aujourd'hui, peut-être qu'avec avec l'œuvre d'Hergé, on revient depuis quelques années à la jeunesse de Tintin, notamment dans la presse, la publication du feuilleton Hergé, cette espèce de monumentale somme prévu manifestement pour faire les poches de tous les bédéphiles les plus convaincus, revient à cette approche-là, mais c'est quasiment tout. Or, il me semble que d'Hergé à Astérix, en passant par Corto Maltese ou Barbarella, à chaque fois on occulte les origines dans la presse ou on les signale comme quelque chose d'assez périphérique, là où ce contexte de publication est central. Alors, ce que je voudrais aujourd'hui avec vous, c'est revenir sur finalement ce qu'a été Barbarella avant Losfeld, et ce qui est devenu Barbarella lorsqu'elle est passée entre les mains de Losfeld, et les écarts successifs entre les versions, donc depuis la presse érotique jusqu'au livre de poche, en passant par le cinéma, etc. Alors, pour cela, il faut d'abord commencer par revenir sur donc les origines indignes, semblerait-il, de Barbarella, puisque Barbarella est d'abord publié dans la presse, dans une presse particulière, presque que j'appelle la presse qui ne se lit que d'une main, hein, c'est un clin d'œil adressé à un ouvrage dont le nom m'échappe là à l'instant. Mais voilà, donc d'une presse érotique, cette presse érotique, c'est un magazine qui s'appelle V Magazine, qui est fondé à la Libération par deux résistants du MLN, Max Juvénal et Pierre Fribourg. Et ces deux résistants, ils ambitionnent de fonder un magazine sur le modèle de Life, avec du photoreportage, des photos assez luxueuses, du reportage d'actualité, etc. Bon, le problème, c'est que le créneau est pris, hein, il y a Paris Match qui s'est lancé en même temps qu'eux, et très vite, face à l'échec de leur ligne éditoriale, ils se recentrent sur d'autres formes de reportages, on va dire, des reportages beaucoup plus légers, orientés sur les starlets et les clichés des habillés. Alors, je reviendrai sur sur cette chronologie, mais je voudrais vous montrer un petit aperçu très rapide de l'intérieur de V Magazine pour que vous voyez un petit peu dans quoi Barbarella trouve sa source. Alors, j'ai pris un numéro au hasard, hein, c'était vraiment un des numéros que j'avais à disposition, 1963, donc au moment où Barbarella est publié, et il est assez représentatif de toute une série d'autres numéros que j'ai eu entre les mains. Alors, voilà un petit peu à quoi ça ressemble, hein, ce reportage, vous voyez, d'un très grand sérieux sur la femme-enfant au décolleté très « oh là là ». Et puis on a toute une série de rubriques, c'est-à-dire c'est la vie des starlets d'un côté, c'est des reportages touristiques, mais toujours dans des régions où les femmes sont pas toujours, ont pas toujours beaucoup de centimètres carrés de tissu sur elles, hein, donc la Costa del Sol et le fait que les Andalouses sont tout le temps en bikini. C'est également ce reportage qui m'a tout à fait intrigué, la foire aux starlets sur la manière dont les femmes vendent leur corps au moment de Cannes à des producteurs. C'est pas très MeToo, hein, comme angle. Je pense que vous pouvez vous en douter, c'est plus sous un angle très gourmand, si on pouvait le qualifier ainsi. Enfin, c'est assez répugnant. Bref. Et puis, toute une série de romans, de dessins. Donc, voilà, Trafic à Istanbul, des dessins d'humour, comme ici ce dessin de René Caillé, ou bien ce dessin, alors que là j'ai emprunté un numéro plus ancien, un dessin de Pichard, autre grand nom de la bande dessinée érotique qui a beaucoup contribué à V Magazine. Je vous lis la légende, hein, si vous n'y arrivez pas, si les gars viennent s'amuser avec toi, ils pourront point t'emmener dans le bois et vous pourrez continuer à surveiller les vaches. On est donc dans un magazine qui fait, pour dire les choses frontalement, l'apologie du viol, à peu près dans toutes ses pages, et qui est en tout cas très clairement dans une approche du male gaze, c'est-à-dire c'est vraiment le regard masculin et la femme réduite à un statut d'objets sexuels. Donc, magazine érotique, magazine à vocation masturbatoire. Vous le voyez ici, je vous ai mis un extrait de publicité et des ouvrages donc, qui sont proposés à la vente dans les pages de ce magazine, à un moment où quand même l'accès au sex shop est toujours un peu compliqué. Voilà, les humains et leur perversion, l'harmonie sexuelle, la véritable éducation sexuelle, 600 pages illustrées. Bon, il s'agit bien de presse érotique, alors une presse érotique plutôt soft par rapport à ce qui peut se publier par ailleurs au même moment, mais presse érotique très clairement. C'est dans les pages de cette presse érotique que donc est publiée Barbarella. Quelques mots d'abord sur Forrest et Forrest avant Barbarella et Forrest dans V Magazine, puisque Forrest commence dans V Magazine quasiment une décennie avant de publier Barbarella. Forrest, c'est un dessinateur qui est né en 1930, qui commence sa carrière très jeune, hein, puisqu'il commence à publier dès 1949 dans OK. Et puis, alors, dans les années 50, il passe par à peu près tous les magazines possibles et imaginables, si ce n'est Pilote et, Tintin et Spirou. Il passe par Caméra 34, par Vaillant, donc deux titres communistes. Il passe par Suzette et Mireille, qui sont des titres catholiques. Il passe par Fillette, par Lisette, donc des titres plus populaires venant de la Société parisienne d'édition. Il reprend des séries qui ont été commencées par d'autres, comme par exemple Charlot ou Bico. Bref, pour dire les choses autrement, c'est un artisan du dessin, un honnête artisan du dessin, qui, comme il y en a des dizaines, avec un style qui n'est pas spécialement identifiable, et qui multiplie les collaborations sans œuvre notable, à un moment où, de toute manière, ce type de qualificatif serait tout à fait anachronique. À la fin des années 50, il commence à se spécialiser dans des strips quotidiens, dans les pages de France Soir. Alors, ces strips quotidiens, on sait très peu de choses là-dessus, parce que c'est quelque chose qui intéresse assez peu les spécialistes, et accéder à ces strips est une chose qui, matériellement, pose toute une série de problèmes. C'est important à deux titres. D'une part parce que François, c'est le journal qui paye le mieux du marché de la bande dessinée, tout titre confondu. Les contrats sont très clairs, bien plus que Caspirou ou à Tintin, par exemple. Et par ailleurs, François, c'est un journal quotidien généraliste. Et donc, Forest commence à s'adresser à un public qui n'est pas forcément spécifiquement adulte, mais qui est en tout cas plus mélangé que dans les pages de Mireille ou de Lisette, où là, on s'adresse vraiment à chaque fois à des niches, c'est-à-dire voilà, des petites filles dans les pages de Lisette, des petits garçons dans les pages de Caméra 34, etc. Donc, il commence à élargir un petit peu sa palette. En même temps, donc, dans les années 50, il commence à travailler pour V Sélection, en illustrant une série de romans qu'au mieux on pourrait qualifier de légers. Hein. Je vous ai mis quelques illustrations de ces romans publiés dans V Magazine, des romans de 4-5 pages, hein, comme V Magazine en publie énormément. Et puis, simultanément, il commence à travailler également une autre revue qui est dirigée par quelqu'un d'important. Cette revue, c'est Fiction, qui est la principale revue de science-fiction de l'époque. Et puis, j'y reviendrai tout à l'heure, la matrice de la BD-philie française. Donc, une revue absolument essentielle. Et tout en commençant à proposer des couvertures pour Fiction, il est également sollicité pour la collection Le Rayon Fantastique, une collection qui est dirigée par Georges-Henri Gallet. Là aussi, collection centrale dans l'émergence d'un canon de la science-fiction française. Et ce Georges-Henri Gallet, qui est donc directeur éditorial de la collection Le Rayon Fantastique, est à l'époque rédacteur en chef de V Magazine. Et donc, c'est Gallet qui va chercher cet honnête artisan du dessin qui, vous voyez, dans Fiction et dans Le Rayon Fantastique, développe un graphisme beaucoup plus libre, beaucoup plus moderne, avec un dessin plus torturé, plus en hachure, avec dans certains cas, c'est, je ne sais pas si c'est très clair parce que j'ai l'impression que la lentille est un peu sombre, mais en tout cas un recours à des formes d'abstraction. Bref, on est face à un dessinateur qui, à la fin des années 50, commence à changer, en tout cas sur le plan graphique. Et c'est ce dessinateur que Gallet va chercher pour lui fournir un feuilleton dans les pages de V Magazine. Alors, la commande qui est passée, apparemment, j'ai pas réussi à mettre la main sur des archives, mais il semblerait qu'elle soit extrêmement ouverte, puisque la commande que passerait Gallet, ce serait un feuilleton avec un personnage féminin et évidemment des scènes érotiques. Voilà. Et en dehors de ça, Forest a carte blanche. Et donc, Forest, qui s'épanouit dans ses revues cette collection de science-fiction, s'empare de ce créneau de la science-fiction, qui est un créneau relativement neuf, en France à l'époque, en tout cas souterrain, pour raconter donc les aventures de Barbarella, cette belle terrienne de l'an 40 000, à travers donc ces déambulations sur la planète Lithion. Donc des déambulations qui sont racontées en feuilleton dans les pages de V Magazine par livraison de 8 planches à chaque fois, depuis le printemps 1962 jusqu'à janvier 1964. Alors, ce qui est resté essentiellement de Barbarella, j'en disais un mot au tout début, c'est l'aspect de libération sexuelle. Alors, il faut revenir un tout petit peu sur cet aspect-là, parce que c'est, à mon sens, pas simple de savoir de quel côté penche Barbarella, en particulier dans la mesure où il y a toute une série de réécritures postérieures. Alors, Barbarella est-elle une femme libérée? Et finalement, est-elle une femme de la libération sexuelle des années 60? Il me semble qu'il faut être assez nuancé là-dessus avant de dire que Barbarella est une héroïne féministe. Je crois que ce serait très excessif d'aller jusque-là. Cependant, elle dévoile assez régulièrement, vous en avez des exemples ici, sa plastique avantageuse, on va dire. Elle se tire de toute une série de situations délicates en exhibant ses charmes. Cependant, ce qui est assez étonnant, finalement, dans cette revue qui est très ouvertement érotique, c'est que les représentations ouvertement sexuelles sont en fait relativement rares. Et le plus étonnant, c'est que finalement, dans une revue qui fait son fonds de commerce de l'objectification systématique des femmes, Barbarella est un personnage qui maîtrise sa sexualité, qui maîtrise son corps et qui décide de ses partenaires. Alors, je donne deux exemples de ça, celui-ci sur lequel on reviendra. C'est une scène pendant laquelle Barbarella est torturée par le serrurier du palais qui la soumet à la machine excentrique qui ambitionne de la faire mourir de plaisir. Et puis, manque de bol pour le serrurier, Barbarella va vaincre la machine. Voilà, l'orgasme de Barbarella serait plus fort que la torture. Deuxième exemple de cette capacité de Barbarella à assumer sa sexualité, c'est une case qui est particulièrement connue et que je trouve assez intéressante parce qu'elle me semble assez représentative du style de Forrest. Alors, en faire un grand poète, ce serait peut-être excessif, mais en tout cas, il y a une forme de fantaisie extrêmement fraîche dans ce dialogue, hein, dans lequel on voit donc Barbarella après l'accouplement avec Hector, le robot taxi. Donc, encore une fois, on ne nous représente pas l'acte sexuel en lui-même. Bon, en revanche, vous voyez bien que la scène laisse quand même assez peu d'ambiguïté sur ce qui vient de se passer. Et ce que je trouve d'assez savoureux ici, c'est ce dialogue. Hector, vous avez du style. Et le robot de répondre, Madame est trop bonne, je connais mes défauts, mes élans ont quelque chose de mécanique. Alors, voilà, c'est un clin d'œil assez savoureux, mais je pense que ça va plus loin que ça. C'est-à-dire que, ici, il y a bien un renversement de l'ordre des plaisirs sexuels qui s'opère, et les femmes, non seulement ne sont plus des objets sexuels soumis aux hommes, mais ce sont même des hommes qui jouent le rôle d'objet sexuel pour Barbarella, quand bien même celle-ci chercherait à les satisfaire. Mais bon, évidemment, quand ce sont des robots, ça n'est pas très pratique. Alors, donc, voilà un petit peu ce qu'est ce feuilleton dans les pages de V Magazine, donc un feuilleton léger, avec quelques scènes sexuelles, mais beaucoup d'autres scènes qui ne le sont pas du tout. Hein. On est dans le pur roman d'aventure. On n'est pas forcément très très loin de Flash Gordon, par exemple, hein, avec cette déambulation et cette capacité de Barbarella à rencontrer de nouveaux ennemis et les affronter victorieusement. Puisque, c'est un autre aspect important, quand je vous parlais de la matrice du journal et de la manière dont elle conditionne l'écriture de la série, en fait, si on se penche au niveau de la publication dans les pages de V Magazine, on voit que le journal conditionne très étroitement le rythme de la narration. Alors, c'est ce que j'appelle le fait de revenir à l'atelier du journal. Cet atelier du journal, c'est pas seulement envisager le fait que... Enfin, c'est d'abord envisager le fait que chaque épisode est conçu pour être lu individuellement. C'est bête quand c'est dit comme ça, mais je pense que c'est tellement peu pratiqué qu'il est important de le rappeler. On donne un exemple ici avec ce strip que j'ai découpé d'une page, hein, pour que vous le lisiez un peu mieux. Donc c'est le strip qui fait suite à ce fameux accouplement entre Barbarella et Hector, le robot-taxi. Et vous voyez en dessous, hein, voir le précédent épisode, pardon, drôle de jeu, dans le V Magazine 63, donc de l'été 63. C'est-à-dire que on est ici dans les pages d'un trimestriel, il s'écoule donc 3 mois entre chaque livraison, et donc il va de soi que le lecteur, d'une part, ne se souvient pas de ce qui s'est passé à l'épisode précédent, et dans toute une série de cas aussi, ne garde pas l'exemplaire précédent du journal. Il faut le supposer. Peut-être que certains d'entre eux gardent les exemplaires du journal précieusement, mais très vraisemblablement, on peut imaginer, considérant le statut assez intermédiaire au minimum de ce magazine, on peut imaginer qu'ils ne l'ont pas conservé. Et donc, il faut que chaque épisode fonctionne individuellement. Et donc, chacun des épisodes fonctionne à peu près avec le même principe narratif. Barbarella affronte une espèce de maniaque qui ambitionne de détruire un peuple, en vient à bout et part vers de nouvelles aventures à la fin de l'épisode. Il y a simplement dans les 2 derniers chapitres où on voit qu'il y a un arc narratif qui se déploie à l'échelle de ces 2 livraisons. Mais sinon, voilà, les épisodes fonctionnent par épisode, donc de 8 pages. Donc, on est bien dans un récit avec une continuité narrative assez limitée et un rythme feuilletonesque absolument essentiel. Alors, cet atelier du journal, c'est également c'est également bien sûr l'insertion dans le reste du journal et le dialogue avec le reste des épisodes, puisque Barbarella n'a pas vocation spécifiquement à être lue isolément. Elle est lue en même temps qu'on lit les reportages égrillards, les blagues grivoises, les dessins pour Bidas. On est clairement dans cet univers-là, et c'est cela qui donne sens à Barbarella. Et je pense qu'il est absolument essentiel de prendre ça en compte, parce que, justement, ce qui fait l'intérêt de Barbarella, c'est la friction, c'est le décalage avec cet univers-là. Et puis, c'est aussi toute une série de clins d'œil, de renvois intertextuels. Alors, ici, je vous en ai mis un exemple. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même quelques-uns. C'est une page dans laquelle donc Barbarella emmène la reine pour la soumettre à la question, et vous le voyez, on traverse les geôles du palais où sont enfermés toute une série d'individus sur lesquels on reconnaît à peine déformés, au minimum Forest, Remo Forlani, donc que vous avez ici à droite de la case Forlani. Vous avez des individus comme Guy Mouminou, comme Jacques Boimard, et puis cette petite annotation, hein, ici, etc. Donc, pour vous voyez, à toute une série d'autres dessinateurs. Donc, évidemment, ce genre de clin d'œil, de blague, ne fait sens que dans l'espace des pages de V Magazine et va être supprimé dans les éditions ultérieures. Ce qui implique, encore une fois, que pour comprendre la genèse de l'œuvre de Forest, il faille revenir à cette matrice-là, cette matrice du journal. Cette matrice du journal, il est essentiel d'y revenir parce que, assez étrangement, les choix de colorisation diffèrent entre le journal et chacune des éditions successives. C'est-à-dire que dans les pages de V Magazine, chaque épisode est en monochromie et avec une couleur différente pour chacun des épisodes. Et lorsque Losfeld va rassembler ce feuilleton en album en 1964, il va reprendre le principe, mais en changeant les couleurs pour des raisons qui ne sont pas très claires. Et à ce stade, j'ai pas encore réussi à savoir si Forest avait eu son mot à dire en la matière. Mais voilà, il y a manifestement un décalage qui se joue là et qui change également la manière dont on peut recevoir cette œuvre. Alors, j'en viens maintenant à ce qui constitue le cœur de ce par quoi Barbarella est connu, c'est ce fameux album de 1964. Ce premier album, il intervient dans un moment important. Ça correspond au premier pas de la bédéphilie française, j'en disais un mot tout à l'heure. Cette bédéphilie française qui émerge à partir du courrier des lecteurs échangé dans les pages de fiction au printemps 62, donc fiction pour lequel Forest travaille. Et donc cette bédéphilie française, elle se constitue d'abord en club des bandes dessinées, et parmi ses premiers membres, on trouve Jean-Claude Forest. Voilà. Il n'y a pas de coïncidence que ce soit Eric Losfeld qui édite cet album, dans la mesure où Eric Losfeld est lui-même très introduit dans les milieux de la cinéphilie. Or, là, on sait depuis longtemps hein, que les milieux de la bédéphilie et de la cinéphilie sont très étroitement liés. Toute une série d'individus naviguent de l'un à l'autre. Et Eric Losfeld, entre autres publications, assure la publication de la revue Midi Minuit Fantastique, qui est là aussi le deuxième pôle central, on va dire, de la construction d'une cinéphilie. Alors, donc 1964, Losfeld publie Forest avec... je crois un atout maître hein, de la part de Losfeld, c'est la capacité, à un moment où le marché de la bande dessinée est en train progressivement de se structurer, d'arriver à maturation, une capacité à sortir des tirages modestes. C'est-à-dire qu'on est à l'époque dans un marché où, qui est contrôlé en fait par des entrepreneurs de presse, et des gens qui ont une culture du livre qui est très distante, qui est très secondaire. Or, Losfeld est un homme du livre, est un homme de l'édition, et c'est un homme qui perçoit également très bien la capacité de faire vivre un livre en le tirant à une poignée de milliers d'exemplaires, là où des éditeurs comme Dupuis, par exemple, ne savent pas. C'est un métier différent de sortir un livre à 20 000 exemplaires et de faire du bénéfice avec un livre à 2 000. Vous ne passez pas par les mêmes circuits de commercialisation, vous ne passez pas par les mêmes choix de fabrication. Et donc le choix de Losfeld, ça va être voilà, le choix du luxe, de la rareté. Alors ça vous explique la raison pour laquelle malheureusement je n'ai pas ce premier album. J'aurais bien aimé pouvoir vous le montrer, mais c'est un album qui vaut aujourd'hui assez cher sur le marché de la collection, qui est difficile à trouver en bon état, puisque Losfeld va adopter en fait tous les marqueurs du luxe, avec un papier très épais, une maquette extrêmement soignée. Alors je reviendrai sur cette couverture, mais pour vous donner une petite idée, hein, voilà la page de titre avec ce titre Barbarella. Qui s'étale largement des deux côtés de la page. Et vous le voyez, ce que je trouve intéressant, c'est ici le fait que l'auteur est quelque chose de tout à fait secondaire. C'est bien l'héroïne qui constitue l'intérêt du livre. Là, on est bien, malgré tout, dans cet héritage de l'album pour enfants. Mais donc, il y a quelque chose de tout à fait inédit dans cet album de Losfeld. Qui intervient en totale rupture avec les standards éditoriaux de l'époque. Alors, cette page de titre, ça n'est pas forcément évident, mais là où c'est le plus marquant, là où c'est le plus neuf, ce que fait Losfeld, à mon sens, c'est ceci. C'est-à-dire de considérer que chacune des livraisons feuilletonesques dans les pages de V Magazine constitue un embryon de chapitre. Et donc, il va le marquer explicitement comme cela, en séparant chacune des livraisons par une page vierge avec un numéro, donc de 1 à 8, reprenant donc les codes de l'édition littéraire, et inscrivant donc Barbarella dans une hybridation entre la bande dessinée et la littérature, une hybridation qui est tout à fait neuve pour l'époque. Donc on a une adaptation qui est assez novatrice hein, de cette livraison fractionnée, une manière tout à fait intéressante d'articuler le continu et le discontinu. Donc, une hybridation avec la littérature qui repose d'une part, bien sûr, sur ce recours au chapitrage, et puis, d'autre part, sur le label éditorial. Et donc, de ce point de vue-là, il me semble qu'il faut faire de Barbarella l'ancêtre de ces, en tout cas, l'un des moments marquants. Il n'est pas unique, on trouve au 19e siècle notamment des exemples abondants, mais Barbarella est au 20e siècle l'un des moments clés de l'hybridation entre bande dessinée et littérature par l'édition, par le format de publication, et je crois que le deuxième moment clé de cette hybridation entre bande dessinée et littérature par l'édition, je dis ça parce que concernait certaines des personnes dans la salle, c'est le magazine à suivre publié par Casterman et les collections qui en sont tirées, qui s'ouvre avec l'ambition affichée de croiser bande dessinée et littérature. Jean-Paul Mougin, qui est rédacteur en chef d'À suivre en 1978 dans le premier éditorial, dit « À suivre, c'est l'irruption sauvage de la bande dessinée dans la littérature ». Et ce premier numéro d'À suivre, il s'ouvre... c'est la couverture de premier numéro, il s'ouvre par ici même, un feuilleton qui est signé de Tardy au dessin et Jean-Claude Forest au scénario. Et là, il y a clairement une filiation qui est importante. Alors, j'en reviens donc à cette couverture, une couverture tout à fait luxueuse, recouverte, donc une couverture toilée avec une jaquette sur le modèle des clubs du livre, c'est-à-dire un format tout à fait luxueux, mais surtout avec un choix d'illustration qui est tout à fait radical. Cadrait l'héroïne en plan serré. Il me semble qu'il y a deux aspects qui sont intéressants dans cette couverture. Le premier, c'est le choix de reproduire l'illustration telle qu'elle, en gardant les points de trame, les points de trame bendés, hein, qui viennent de la publication dans la presse, comme si, malgré tout, en couverture, il y avait une forme d'hommage aux origines indignes ou paralittéraires de Barbarella. Je ne sais pas si c'est complètement conscient de la part de Losfeld. Moi, je vois une deuxième référence, c'est la référence, bien sûr, au pop art, puisque 1964, c'est très étroitement le moment où Liechtenstein commence à systématiser l'usage de l'usage des points de trame dans ces grandes toiles qui reproduisent des cases de comics. C'est à partir de 1963 que Liechtenstein commence à faire ça de manière systématique. Publication 1964, je peux pas m'empêcher d'y voir une coïncidence. Là encore, les archives de Losfeld n'ont pas donné de réponse sur le fait que c'est un hommage délibéré, mais je crois que malgré tout, la coïncidence est trop troublante pour ne pas être parlante. Bref, dans un marché de l'édition qui était travaillé jusque-là par des éditeurs de presse ou des groupes venus de l'imprimé populaire, Losfeld, venu de l'édition littéraire, prend le contre-pied de tous les codes, de tous les marqueurs paratextuels pour inscrire Barbarella dans tout à fait autre chose que ce qu'elle était au départ, et inventer cet objet inédit qui est effectivement l'album pour adultes. Alors, cette publication, elle suscite toute une série de... Alors, voilà, là, je vous ai mis un exemple que j'avais sélectionné, puis en vérifiant la date, je me suis rendu compte que je m'étais un petit peu emmêlé les pinceaux, hein, puisque cette toile de Liechtenstein, elle date de 65, voilà, mais il y en a d'autres qui datent de 63, je vous demande de croire sur parole, qui montrerait la même... le même usage des points de trame. Alors, cette publication, elle suscite un débat important auprès des commissaires de la commission de surveillance et de contrôle chargée l'application de la loi de 49 sur les publications destinées à la jeunesse, avec deux positions, en gros, qui se font face. La première position, c'est de considérer que, finalement, par son prix... Par ses marqueurs paratextuels, donc Barbarella est vendu 54 francs, c'est-à-dire en gros 75 euros actuels, On est dans le beau livre et les censeurs n'ont pas à légiférer sur le beau livre parce que finalement le beau livre ne menace pas l'ordre social. Le beau livre, c'est l'amateur éclairé, c'est l'esthète qu'il consomme. Et ça, depuis les débuts de la Troisième République, depuis la mise en place en fait d'une censure du livre républicaine, il y a cette distinction entre l'acceptabilité d'un érotisme pour amateur éclairé et le danger social que pourrait représenter l'érotisme à portée des masses. Voilà, ça c'est très clair. Pour autant, un certain nombre de commissaires, et en particulier Raoul Dubois et Madeleine Bellé, craignent le précédent et craignent la forme même de l'album. Ils écrivent ceci, hein, je vous ai mis la citation, ils craignent qu'en se montrant indulgent, ne facilite la prolifération de publications similaires, et pensent que dès la minute où se rencontrent suffisamment de passages licencieux, il n'a qu'à requérir les rigueurs de la loi. À ceci s'adjoint le fait que par sa présentation en bande dessinée, Barbarella peut induire en erreur des adultes voulant acheter un album pour leurs enfants. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que ce qui est bien en question, c'est la possibilité même d'une bande dessinée pour adultes. Bande dessinée pour adultes qui existe par ailleurs. Mais, voilà, il y a une véritable frayeur de la possibilité d'une bande dessinée pour adultes par le livre. Parce que, voilà, le livre, ça doit être l'espace de quelque chose de plus digne que cela. Est-ce qu'on peut tolérer dans un certain nombre de publications vendues dans les kiosques à destination des bidasses notamment, n'est pas acceptable dans les pages d'un livre pour la commission qui décide de frapper l'album d'une triple interdiction, interdiction de vente aux mineurs, interdiction d'affichage et interdiction de publicité, c'est-à-dire la sanction la plus lourde prévue par cette fameuse loi de 49 sur les publications destinées à la jeunesse, qui a pour effet de tuer commercialement le livre. En gros, on n'interdit pas la vente du livre, mais on la rend tellement compliquée que l'éditeur est à peu près assuré de rester avec sur les bras. Ça aurait bien sûr assuré la mort de l'album si, en cours de route, n'était pas intervenu un deuxième déplacement majeur, c'est l'adaptation par Roger Vadim de Barbarella en 1968. Alors, je vais essayer de me dépêcher parce que je me rends compte que j'ai été beaucoup trop long. Cette adaptation de Roger Vadim, donc dans une superproduction, 9 millions de dollars, superproduction de Dino De Laurentiis avec Jane Fonda dans le rôle titre, la logique aurait voulu que ce soit Brigitte Bardot qui était le modèle. Vous avez vu ces images de Barbarella, c'est très clairement l'inspiration de Forrest. Le problème, c'est qu'entre-temps, vous savez que Brigitte Bardot était l'ex de Roger Vadim à l'époque, et donc il a pris sa femme du moment, qui était Jane Fonda. Ça rendait les choses un peu plus simples. Donc Jane Fonda qui incarne ce film avec un succès colossal, un film qui est sorti dans une quinzaine de pays et qui suscite... désolé, j'accélère un tout petit peu, qui suscite toute une série d'éditions aux États-Unis, dans les pages de la revue luxueuse Evergreen, et puis ensuite chez Grove Press, des novélisations comme ici donc le roman de Barbarella, et un succès commercial très large. Vous voyez ici donc Jane Fonda en une de Penthouse, les petites poupées Barbarella qui sont commercialisées, et puis des éditions qui sont réalisées au Royaume-Uni, en Allemagne, au Danemark, en Suède, en Norvège, etc. Alors, succès colossal qui se traduit par la réalisation d'une série d'adaptations en France sur lesquelles je vais malheureusement passer. Ce sur quoi je voudrais terminer, alors je vais quand même signaler une chose, c'est que ces adaptations, ces rééditions en France, alors vous en avez ici une, hein, c'est la réédition de 1968 publiée par Losfeld. Vous voyez le déplacement majeur de l'œuvre, c'est que finalement on a un système médiatique qui s'est déplacé vers le cinéma. Le cœur de référence, c'est l'œuvre de Roger Vadim, comme si, assez paradoxalement, la bande dessinée était une forme d'adaptation du film. Alors, des rééditions qui posent toute une série de problèmes. Ces problèmes, ça va de l'habillement et le déshabillement successif de Barbarella. C'est les changements chromatiques assez aberrants et pour lesquels on n'a pas d'explication logique. Et puis, c'est l'abandon, je vous en montre un exemple directement, c'est l'abandon de cette séparation en chapitres, puisque chacun des épisodes, voilà, à la fin de l'épisode, on passe directement au suivant, on n'a plus ce marqueur paratextuel qui fait qu'on passe d'un épisode à l'autre, et ça rend aujourd'hui, pour des lecteurs de bande dessinée du 21e siècle, la lecture assez perturbante, parce que on a finalement un fil complètement heurté, qui ne se comprend que par ses origines de presse. Or, ce choix de ne plus séparer les épisodes, c'est le choix qui a été fait dans toutes les rééditions successives. Alors, le succès de Barbarella, pour terminer, il repose sur un moment. Ce moment, c'est les premiers pas de la BD Philie. Je vous ai mis ici ce premier numéro de Gifouif, le bulletin du club des amis de la bande dessinée, avec ce petit personnage qui est dessiné justement par Jean-Claude Forest. C'est la volonté d'un certain nombre d'éditeurs de se diversifier vers un public plus adulte. C'est le cas de Chouchou, qui est un échec commercial, mais où Forest a joué également un rôle central, hein, avec la volonté de s'adresser à ce public adolescent qui fait le succès de Salut les copains, par exemple. Puis c'est le succès également de la bande dessinée à la télévision, et en particulier de Barbarella et de Lost Fell. Je vous en montre un exemple, deux exemples. C'est bien sûr Marie Mathématique, feuilleton de l'ERTF, avec Forest Manette et Gainsbourg au générique. Gainsbourg qui, en 1966, chante « Qui est in, qui est out », dans lequel il fait mention à plusieurs reprises de Barbarella. Barbarella est bien ce mythe du 9e art qui témoigne de ce basculement depuis les formes de la bande dessinée pour enfants vers des formes qui font plus spécifiquement référence aux adultes. Pour le dire autrement, Barbarella n'est pas la première bande dessinée pour adultes, mais la première bande dessinée pour adultes cultivée sous une forme éditoriale qui l'arrache aux enfers de la paralittérature. Ou, pour le dire encore autrement, Barbarella est l'une de ces premières héroïnes que les adultes peuvent lire sans déchoir. Et de ce point de vue-là, il me semble intéressant que Thierry Grunstein, dans la première version du catalogue du musée de la bande dessinée d'Angoulême, dont je vous parlais tout à l'heure, ait choisi de le mettre sous les auspices donc, d'Astérix et de Barbarella, donc deux œuvres qui sont publiées au même moment. Hein, le succès d'Astérix, il se joue dans ces mêmes années. C'est en 1966 que Astérix commence à se vendre à plus d'un million d'exemplaires. Donc on est tout à fait sur la même chronologie et cette même capacité des adultes à s'emparer de la bande dessinée et à en proposer des lectures cultivées. Donc la bande dessinée adulte est bien le fruit d'interactions complexes entre les auteurs, les lecteurs, les éditeurs et puis toute une série d'entrepreneurs du spectacle et puis d'entrepreneurs de morale comme les censeurs par exemple, qui réussissent à décider ce qu'est ou pas la bande dessinée, à qui elle s'adresse. Et c'est dans ce jeu complexe que se construit pour moi l'élan subversif de Barbarella, qui dépasse de très loin ce que Forest aurait pu imaginer lorsqu'il a dessiné les premières pages de son feuilleton pour V Magazine. Et donc, si Barbarella est un mythe de la bande dessinée, c'est mythe au sens de révélateur de la manière dont l'histoire du 9e art s'est construite autour de fictions de méthode et notamment autour des albums, formes les plus conservées, les plus patrimonialisées et les plus légitimes. Je terminerai sur un clin d'œil. C'est le fait que Barbarella est devenue une véritable icône pop. Alors j'aurais dû m'en rendre compte plus tôt, mais en préparant cette conférence, je me suis rendu compte que Barbarella avait un écho qui dépassait, qui persistait jusqu'à maintenant dans une forme de pop culture très actuelle. Alors je vous mets ici un extrait du générique qui est très célèbre du film de Roger Vadim dans lequel on voit Barbarella se déshabiller. Alors, il me semble que ce générique est problématique. Il est révélateur du problème que pose le film, qui, à mon sens, renverse complètement, passe complètement à côté de l'originalité de l'œuvre de Forest, et qui fait, pour dire les choses brutalement, qui fait de Barbarella une espèce de bécasse qui passe son temps à être soumise aux hommes et à leur plaisir. Et par exemple, quand je vous avais mis tout à l'heure la scène dans laquelle le serrurier du palais soumettait Barbarella à la machine excentrique qui devait la faire mourir de plaisir, Barbarella, dans l'album, dit au serrurier, au bout d'un moment, « Vous n'avez pas honte, vous n'avez pas honte ». Et ce dialogue « Vous n'avez pas honte », il est réemployé dans le film, mais à ce moment-là, c'est le serrurier Durand-Durand, il n'a pas de nom dans l'album, mais il a un nom dans le film, c'est Durand-Durand, et c'est lui qui dit à Barbarella « Vous n'avez pas honte, vous n'avez pas honte de prendre autant de plaisir ». Il me semble assez troublant de voir que ce film sorti en 1968 en pleine libération sexuelle prend le contre-pied absolu de ce que Forrest assez timidement pouvait proposer en matière d'une sexualité émancipée. Malgré tout, ce film et ce générique en particulier dans lequel Jane Fonda semble flotter en apesanteur, c'est un trucage obtenu grâce à une vitre en plexiglas, continue à peser sur un imaginaire pop. Et l'exemple donc que j'ai découvert il y a peu de temps, c'est celui-ci, c'est Ariana Grande, dont le clip Break Free, qui date de 2014, sur YouTube, il culmine quasiment 1 milliard de vues. Et ce clip, c'est une référence de 4 minutes à l'univers visuel de Barbarella. Et pendant 4 minutes, on est dans les emprunts à Barbarella. Barbarella non plus de Jean-Claude Forest, mais clairement l'œuvre de Roger Vadim et tous les problèmes que celle-ci pose. Je m'arrête là et je vous remercie.